Dans la vie, on a des choses on n'arrive pas forcément à faire ressentir à des gens en les regardant dans les yeux ou en leur disant quelque chose. Nous, on va te faire comprendre la vie. Yeah, yeah, y'a rien de bon dans la vie qu'on mène, mais on rit quand même, même si le parcours est rempli de problèmes. J'amène mon 68 et un triste thème, à croire que se défoncer le crâne c'est tout ce qu'on aime. Y'a rien de bon dans la vie qu'on mène, mais on rit quand même, même si le parcours est rempli de problèmes. J'amène mon 68 et un triste thème, à croire qu'on défonce. Vivre dans un monde que je qualifierais de médiocre, où la moitié des gens vivent sous l'emprise de mes tocs. Et donc si j'en parle, c'est que j'ai peur comme internet, ou que je finisse comme tous ces mômes postés sur internet. Quand j'étais mal à vie, je constate que partout y'a du dégoût. Mon frère, aujourd'hui ça fait du bif, même en volant des plaques d'égout. C'est plus rien, je crois. Nos cerveaux sont frappés d'hémorragie. Voilà pourquoi j'utilise des mots magiques tels que THC, ses parents et proches. Mais avant ça, je suis passé par l'état de la cagoule et de la lampe torche. Pharmacie, dit loin d'être un principe. Juste un mec qui reste au PAL avec des principes. Pas comme ces mecs qui glandent trop zine ou ces pillages qui ont de sexe qu'on appelle androgyne. Gros, voilà pourquoi je continue à mettre des patates verbales en me roulant, à se barrer en me foutant du code pénal. Je crache sur les euros car ça manque les franzines. Me cherche pas le samedi soir chez Othello avec ta franchine. Bref, juste être en ligne qui fait savoir que pharmace t'es divé tranquille. Le passé reste le passé. De nos tours et nos sales vies, on veut se casser. Donc ce beat on vient froisser. Même si l'époque fut dure, on combat tous soudés. Encore plus fort pour le futur. Pour le futur, on reste soudés. C'est l'avenir. Ok, je drink, mais demande, que le but fait d'entrer. Donc essaye de compter grâce à ce vide. On va suivre pourquoi je dis. Lise la tactique de ma critique, gravité, ça fait plus son steak. Tu veux le compris, j'avais même l'œil. C'est je drink, mais demande, que le but fait d'entrer. Donc essaye de compter grâce à ce vide. On va suivre pourquoi je dis. Lise la tactique de ma critique, gravité, ça fait plus son steak. Tu veux le compris, j'avais même l'âge. Acte 2. Comment définir ces mecs qui respectent? Parle-moi la longueur de journée, mais qui rêvent qu'on les respecte. 2011, trop de punchline de Kaamelott. T'arrêtes ton vice, on sait que sur MSN tu fais des cam. Wesh les homo sapiens, ça porte des grosses casquettes, des polos roses. Enfin, j'ai jamais vu qu'un homo sapiens. Vu que si le rap était d'âge, j'embrasserais notre culture. Car pour moi la musique est vitale. Vite style sur un couplet, poser des rimes explicites qui font mal, alors écoute-les. Kilo de lignes que je vais écouler, pour qu'au final tu me dises que mon couplet. Mais peu importe si le quartier aime, je la joue carpe diem pendant que le tarpe scanne quoi. On m'a dit que le rap s'arrêta, tout ça c'est du vice. Vive dans son, je reste. Yo, je dois s'entraîner, je m'attends, je m'entraîne, mais c'est l'entrée de mon possible, mais refais, je me battrai. Wow, wow, je me battrai, le 68, c'est un bon sang, il pourrait t'abandonner, ma bague, ma force, ma c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Yeah, c'est freestyle de taille. Wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, c'est, je suis drink qui va démontrer que le but fait d'empter. Donc essaye de compter car c'est pas vite, on va vivre pourquoi j'utilise l'attaque de ma clé, gravité, ça fait des sens steak. Tu veux t'as compris, j'avais même la chaise, tu es. J'avais même la chaise, tu es. Ok, trop de temps à comprendre qui j'étais, trop d'années à savoir ce que je voulais. Pourtant tout ce temps mon cœur battait, sans comprendre ce que je devais faire. Sur terre j'ai combattu, en surmontant les galères frère. Sans parvenir à s'en sortir, sans contrôler l'avenir. Juste arriver à démontrer qu'on pouvait y arriver sans faire de détour. Parmi les photos qui nos tours qu'on respecte avec amour. Car la seule richesse reste l'ivresse de combattre la tristesse. C'est corps mais bon, c'est le décor qui endort et encore loin de toucher les disques d'or. Pourtant tellement d'efforts, complet de haut et de bas. Mais je n'imagine pas le bonheur sans que vous soyez là. Car sur terre, trop de crasse et de casse. C'est pour ça qu'il faut que je fasse abstraction de tout ça dans ma chanson. Y'a rien de bon dans la vie qu'on mène, mais on rit quand même. Même si le parcours est rempli de problèmes, j'amène mon 68 et un triste thème. À croire que se défoncer le crâne, c'est tout ce qu'on aime. Y'a rien de bon dans la vie qu'on mène, mais on rit quand même. Même si le parcours est rempli de problèmes, j'amène mon 68 et un triste thème. À croire que se défoncer le crâne, c'est tout ce qu'on aime. Yeah, le message est simple, partagez la musique. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, partager la musique. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Yeah, yeah, thank you.

chez lui. Thank you. Producing. Producing. Producing. Producing.